Tout-Puissant, notre Père Céleste. Nous sommes à toi au nom de Jésus-Christ. Venu dans l'humilité. Plein de confiance et d'espérance. Sachant que tu ne confonds jamais ceux qui te font confiance. Quand tu es celui qui veille et qui répond. Tu es le guide suprême de ton peuple. Le conducteur inégalé. La source de sagesse parfaite. Insondable et merveilleuse. Toi, la fontaine de vie éternelle. Toi, le repère de la sécurité. Protège pendant le sommeil et pendant le veil. C'est toi qui as le dernier mot, Seigneur. Sur toutes les choses et sur tous les esprits, sur toutes les personnes, sur toutes les créatures. Ton autorité est incontestable. Ta puissance est suprême. Ton intervention est certaine. Ton amour est éternel. Ta délivrance est réelle. La paix de Dieu est ineffable. Ta joie est merveilleuse. Remplis-nous de tous cela, Seigneur. Par le Saint-Esprit de vérité. Pour que notre présence à l'église ne soit pas regrettable. Mais qu'elle soit bénéfique. Qu'elle soit profitable à chacun. Au nom de Jésus-Christ. Que toutes les puissances ennemies qui conspirent contre le peuple de Dieu. Je m'oppose à cet esprit du serpent qui banalise le péché et qui piège l'église pour prendre le péché comme une banalité. Esprit des démons, tu es démasqué. Ta place n'est pas dans l'église de Dieu. L'église est le sanctuaire du Seigneur. Sors du milieu de nous. Sors de cette église maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que la justice du royaume vienne. Que la domination de Dieu s'exerce sur chacun en tant que créature rachetée. Je prends autorité et le contrôle sur tous les esprits. Christ mon Rédempteur a fait tout cela. Il est notre représentant dans le monde invisible, mais invincible est celui. Prenons l'autorité pour dominer les dominations. Pour dominer le péché, pour arracher les âmes, le royaume des ténèbres, et les amener à Christ. Seigneur, suscite la foi. Amen. Brise l'incrédulité. donne la foi biblique avec ses œuvres, avec ses réalisations, avec la guérison divine, avec la liberté totale. Pour tous ceux qui croient la bonne nouvelle, exerce l'apostolat, exerce ta grâce, exerce ton amour, exerce ton esprit prophétique, exerce ton discernement, Seigneur. Condamne le diable car il a déjà été jugé. La place n'est pas ici. Jésus-Christ seul est le bienvenu. Le Saint-Esprit seul est le bienvenu. Viens au milieu de nos Seigneurs. Confirme ta parole de promesse selon laquelle là où nous retrouvons sa présence, tu seras au milieu de nous. Nous voici, Seigneur, assemblé en ton nom, viens au milieu de nous, fais de ta présence le plus naturel, engendre ton église, qu'elle soit née de nouveau, au nom de Jésus-Christ, le miraculeux, le merveilleux, nous prions ainsi, amen. Nous allons lire la parole du Seigneur dans la Sainte Bible ici. Par la grâce de Dieu. En Corinthiens chapitre 12. Nous lisons le verset 28. Et Dieu a établi dans l'église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Nasima babikisi, nasima basungi pe, babongisi pe balobi na maloba, nandenge, nandenge. Matthieu chapitre 15, verset 10 à 14. Matthieu chapitre 15, verset 10 à 14. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante qui n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Adani Vivelepe Alobina Bangoeti, Boyo Kampe, Bokatantina, Yango Eko Ingela Namonoko, Eko Bobi Samotete, Kasi Oyo Eko Bima Namonoko, Yangoana, Eko Bobi Samoto, Bayeko Yibaye Balobina Yeti, Oyebindeche, Basalesai, Basili, Wana, Eyokaki Bangoli, Miloba yango, ye azongisi eti, ndete yonso oyo tata na ngai na likolo akona kite ikobukwa. Tika bango, bajali bakufi miso, bao bajali kokamba bakufi miso na nzela. Soko mokufi miso akokamba mokufi miso na nzela, bango mibale bakokwea na libulu. Apocalypse chapitre 2 verset 4. Mon chéri, mon capo ami balé. Mais j'ai jugé contre toi ce que tu as abandonné ton premier amour. Quand Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole, veuillez vous asseoir au nom merveilleux de Jésus-Christ. Nous souhaitons à tous bon dimanche. Et aussi bienvenue à la table du Seigneur. Là où ce qui est important pour nous, c'est la parole de vie. Comme disaient les disciples autrefois, à qui d'autre irions-nous? Car nous nous avons cru et nous avons connu que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru et nous avons connu. Jésus est celui qui a les paroles de la vie éternelle. Alors, nous étions en train de parler de la deuxième commission de William Branham. Et après, nous sommes passés à une autre pensée de méditation. En train aussi dans le même cadre. William Branham identifié comme apôtre prophète. Et là, les deux commissions ont été mises ensemble. Et celle de 1933 et celle de 1946 avec la vision interposée de 1934. Tout cela peut paraître de la vieille histoire, mais toutefois c'est une histoire récente. En 1933, ce n'est pas si vieux que ça. Cela paraissait de la vieille histoire. On compliquerait nos têtes avec les dates et les années. Mais alors que dirons-nous de la Bible, la naissance de Jésus-Christ lui-même? Ça remonte à plus de 2000 ans. Donc, quelque part, nous devons reconnaître que la vérité est d'actualité. Alors, il nous faut avancer. Par la grâce de Dieu. Parce que chacun de nous a déjà compris que William Branham était un apôtre. Qui a compris? Nani a sosolé? Était un apôtre. Merci. C'est un grand nombre. Qui n'a pas compris que Frère Branham était un apôtre? Les doigts aussi, les doigts. Nani a sosolé? C'est William Branham. Je ne vois pas des doigts. Donc, non, moi, mais dans l'évangile, il n'y a pas de position intermédiaire. Qui a compris, c'est une majorité. Mais il y a eu des doigts qui ne sont pas levés. Maintenant, qui n'a pas compris, il y a des doigts qui ne se lèvent toujours pas. Bon, maintenant, c'est quelle position? On est allé sur le donc, vous n'avez ni compris, ni pas compris. Bon, c'est quelle position finalement? On est allé sur le il n'a ni compris, ni pas compris. Bon. C'est là où il n'est ni chaud ni froid. Tous ceux qui ont difficile à montrer clairement leur position dans ceci ou dans cela, ils sont des laodicéens. Ni chaud ni froid. Il faut demander, est-il chaud? Il est froid. Est-il froid? Il est froid. Mais tu es quoi alors? C'est un esprit. Pas un bon, un mauvais. Le Seigneur a dit que votre parole soit oui, oui, oui. Non, non. Quand c'est oui, c'est oui. Et quand c'est non, c'est non. Tout ce qu'on y ajoute vient du mal. Matthieu 5, verset 37. Que votre parole soit oui, oui. Non, non. Ce qu'on y ajoute vient du mal. Amen. C'est satanique. C'est démoniaque. Oui, mais... Non, mais... Parce que non. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. En ajoutant des choses qui embrouillent, des positions floues, et du malin. Le malin, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est l'ennemi de Dieu. Qui dit amen. Même l'évangile que nous prêchons, vous voulez savoir. Le Corinthiens chapitre 1 l'a dit aussi. Verset 18. Des Corinthiens chapitre 1, verset 17 et 18. Le même insinue la même vérité. Est-ce qu'en voulant cela, J'ai donc usé de légèreté. Ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair? De sorte qu'il y ait à moi le oui et le non. Hein? Moi un chrétien? Est-ce que j'aurais pris des résolutions? Des résolutions charnelles? Parce que le diable domine sur la chair et ses désirs. Il aime diriger, exploiter les désirs de la chair. La chair, c'est son apanage. Quand on est pour le temps charnel, c'est qu'on est disposé à être dirigé par le diable. Quand vous êtes pour le temps spirituel, c'est que vous êtes disposé à ce que le Saint-Esprit vous dirige. La chair ne sert à rien pour le monde. Nous devons la sacrifier. Avec ses caprices et ses manœuvres. Oh, j'ai réfléchi d'abord. Vous donnez votre position. Quand c'est non, c'est non. Paul dit, mais moi, est-ce que je peux prendre des résolutions charnelles qui contiendraient en elle le oui et le non dans la même personne? Jésus-Christ est-il Dieu? Oui. Jésus-Christ est-il Dieu? Oui. Après, Jésus-Christ n'est-il pas Dieu? Oui. Jésus-Christ est-il Dieu? Jésus-Christ est-il Dieu? Non. Jésus-Christ est-il l'unique Dieu? Oui. Jésus-Christ est-il Dieu? William Branham est-il Dieu? Oui. William Branham est-il Dieu? Oui. William Branham est-il Dieu? Oui. Mais vous dites que Jésus-Christ est l'unique Dieu. Et ensuite, William Branham est Dieu. William Branham. Ça, c'est dire oui et non en même temps. Ça ne colle pas. Est-ce que Simon Kimbango est-il Dieu? Oui. Simon Kimbango est-il Dieu? Jésus-Christ est-il l'unique Dieu? Oui. Mais en toi, il y a quoi? Même si tu aimes avoir le oui, le oui. Mais ça ne doit pas avoir une contradiction réfléchante comme ça. Verset 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle. La parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Le colandambe a jali na sembo, le vanabifo et pa inabino et jalaki P-E-T-E-P-T. Ce n'est pas une parole mélangée. Jali le vawe sangalite. Où il y a le oui et le non. Na iyo na temba la moko. À la manière de l'arbre du bien et du mal. Un arbre mélangé. Oui, à bolamu na mabe. Dans lequel est le bien et le mal vivent ensemble. Pa inayango na bolamu na mabe zale kubike longo. Le oui et le non. Appelez toujours la foi. Nous devons être une semence pure. Une semence pure. Voilà pourquoi Dieu a dit à l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Apocalypse 2, verset 4. Notre amour pour Dieu, l'amour pur et original, ne tolère aucun compromis avec le péché. Aucun terrain d'entente avec le mal. Quand nous côté aboyokani na mabe. Aucun mélange possible. Quand nous sommes côté na kozanga boyenge bene. L'amour pur et simple. Que nous devons avoir envers Dieu. Doit être un amour empreint de fidélité. Dieu a dit sortez du milieu d'eux. Et ne touchez à rien de plus. Mama eloko moko te ambindo. Moi je vous accueillerai. Vous serez pour moi des fils et des filles. Et moi je serai pour vous un père. Non pas quand vous venez comme des hybrides. De chair chaude, de semences mélangées. Ça ne marche pas avec Dieu comme ça. Dieu, il est un Dieu du oui absolu à sa vérité. Et le oui absolu à sa vérité concorde avec un non catégorique au marché. Un non catégorique aux paroles mélangées. À l'évangile hybride. Au faux message. Ils sont un non catégorique. La Bible dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Nous aimons Dieu nous garderons ses commandements. En Jean chapitre 5, la vérité qui ne meurt jamais. Verset 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Bible le lui boyé, mais ba incrédule, ba infidèle, ba l'obagame. Mais il va dans Zambé, si il y a matatati. Il y a compliqué à voir. Eh, ce qu'on lui voit vivre parole, mais, ah, moi, je suis dans Zambé, ça grâce, mais ma camarade, il y a compliqué à voir. Il y a un gros capé ça. L'incrédulité. Elle s'exprime à l'aise comme ça. Contredisant la Bible. La Bible est ce qui dit vrai. Toute parole d'homme est mensonge. L'opinion des hommes et des femmes est mensonge. La vérité est ce que les commandements de Dieu ne sont pas prêts. Quand nous aimons Dieu, nous garderons ses commandements. Pouvons-nous dire tous amen? Je vais dire, pouvons-nous tous y dire amen? Tika côté le mela malo vananzambe. Tika ou sopana bongo. Ouzola qui s'en gâte, nos paroles sont fandates. Mouke mouke, et mes paroles sont remplies. Message sera passé. Message sera très difficile, hein? Message sera. Tu mens! Vous allez pourquoi ça? Et tu es en train de déshonorer la parole. Vous allez vous jeter la honte sur le message. Le message n'est pas du tout pénible. Quand nous aimons, c'est facile. Vous voyez des fois les apprenants dans les écoles. Parfois les difficultés. Dans certains cours. Donc c'est dit un idiot complet. Un idiot. Là dans la tête, il y a des. Pas de personnalité. Pas d'objectivité. Il est nul. Conscience zéro. Proclamation 12%. Quand il y a les autres qui viennent, oh, ou qu'on soit à décile vanité. L'autre là, mais il est très compliqué. Ce sont des bifères. C'est ainsi qu'on ne demande pas conseil à des gens pareils. Il ne faut jamais prendre quelqu'un qui a échoué comme vous. Prenez le conseil de celui qui a réussi. Vous prenez un homme divorcé. Dites, conseillez-moi sur le mariage. Tu attends qu'il te dise quoi? Vous allez causer là le bilan. Ta propre expérience te montre que il est encouragé à devenir aussi divorcé un jour. Même indirectement. Prenez plutôt celui qui a réussi son mariage. Prenez un peu sa sagesse. Vous verrez que vous deviendrez un peu plus sage. Celui qui a échoué est un mauvais conseiller. N'écoutez pas ses discours. Dites-lui, tu mens. Il y a moyen de faire autrement. N'est-ce pas vrai? Et certains de ses élèves éprouvent des difficultés dans telle leçon ou tel autre cours. À cause des préjugés de ce genre-là. On dit d'un enseignant qu'il est cacheur. Il est très compliqué. On a eu un bâtiment sur la cassée. Parce qu'à la moitié, on m'a mis. et tu prends ça au citer. Et quand tu vas travailler, tu es déjà conditionné. Quoi. Et quand l'échec arrive, tu dis, ah oui, on avait déjà compris. Aimez l'enseignant. Dites-vous que tout ce qu'on vous dit à son sujet est faux. Quand vous aimez l'enseignant, et que vous avez de l'affection pour celui qui vous enseigne, vous allez apprécier les choses qu'il vous enseigne. Vous aurez facile à comprendre son langage. La marche avec Dieu aussi, c'est une histoire d'amour. Non pas de préjugés. Non pas de zondis. Mais l'amour qu'il a pour nous, quand nous le ressentons, nous le captons à nous, nous l'aimerons parce qu'il nous a aimé le préjugés. Nous l'aimerons de l'amour qu'il nous a aimé. Et par conséquent, nous comprendrons son langage. Nous comprendrons sa parole, nous comprendrons ses commandements, et nous dirons comme dit la Bible, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Parce qu'avant de conclure comme ça, la Bible mentionne d'abord l'amour. L'amour de Dieu consiste à garder Mais quand il n'y a pas l'amour de Dieu, alors les commandements deviendront pénibles. Si quelqu'un aime le monde, ou les choses qui sont dans le monde, alors l'amour de Dieu n'est point en lui. Tel que nous naissons sur la terre, nous les humains, nous sommes prédisposés à nous rebeller contre Dieu. C'est notre première nature. L'homme est fait comme cela. Dans les sermons, les premières expériences spirituelles, prêché le 13 juillet 1957, le prophète Branham dit ici au paragraphe 5e alinéa, 5e paragraphe 6. Il dit, maintenant, la première chose que j'aborde là, c'est savoir ceci, que c'est par la grâce de Dieu que chacun de vous est sauvé aujourd'hui. Ce n'était pas votre volonté que d'être sauvé. Si tu penses que c'est ta volonté, ce n'était pas ta volonté. Tu ne pouvais pas le vouloir. Tu ne pouvais pas. Mais c'est Dieu qui a produit ce vouloir. La Bible dit que Dieu produit en vous le vouloir et le faire. Si à un moment tu as ressenti la volonté de te sauver, parce que cela ne pouvait jamais venir de toi, ni des membres de ta famille, ni de ta lignée ancestrale. Une telle volonté, une telle soif, un tel besoin, un tel désir d'être sauvé, ne peut venir que de Dieu seul. Car c'est Dieu le sauveur. Il crée la soif et il y pourvoit. Il déclenche le besoin pour y pourvoit. Dieu au début du fil. L'homme par nature est rebelle contre Dieu. L'homme par nature est rebelle contre Dieu. Et il s'était rebellé dans le jardin d'Éden. Il était déchu de la grâce. Il avait fui Dieu. Et il s'était caché loin de Dieu. Et c'est la nature de l'homme de faire cela. C'est la nature de l'homme de faire ça. De fuir de Dieu, d'être déchu de la grâce, d'ignorer la grâce de Dieu, de croire que Dieu doit supplier l'homme pour lui. Et Il doit encore intervenir lui-même pour les sauver. Parce que dans sa nature, il est rebelle. Il est dans la nature de l'homme d'être comme ça. C'est un rebelle. Donc, rien de bon ne peut venir. Il est perdu. Déchu de la grâce. N'est-ce pas vrai? Est-ce que chacun de vous réalise vraiment cela? Que nul était la grâce de Dieu. Tu ne peux pas être là où tu es aujourd'hui. Dans son message, dans la vérité, dans la parole de l'heure, nul était la grâce de Dieu. Si cette grâce ne t'était pas offerte, tu serais plutôt dans les histoires faites de l'homme. C'est comme dit la Bible au sujet des conducteurs avec les conduits des aveugles. Dans Matthieu chapitre 15, on a lu cela. Matthieu chapitre 15. On peut y revenir. Et Jésus ayant appelé à lui la foule. Il leur dit ceci, verset 10 à 14. Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre par la bouche qui souille l'homme. Mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Cette vérité était fracassante pour les églises de l'époque de Jésus. Parce que eux pratiquaient une religion. Comme on l'a dénoncé vendredi dernier, une religion d'offrande basée essentiellement sur ça. Vous voyez, ils allaient même jusqu'à prêcher dans leur synagogue que si quelqu'un, par exemple, à son père, et ce dont j'aurais dû t'assister avec, et Corban. Non, c'est corban, c'est-à-dire, ce langage là voulait dire, c'est une offrande que je donne à Dieu. Tu es mon père, oui, je suis. J'en fais une offrande à Dieu. Alors, eux, dans les religions, disaient, que cela soit béni, parce que s'il fait ça, c'est qu'il n'est pas tenu d'honorer son père et sa mère. Donc, il est délié du devoir d'honorer son père et sa mère. Le commandement de Dieu dit, on... C'est la parole clairement écrite. Honore ton père et ta mère. Bon, mais des religieux viennent qui se disent spécialistes de la loi pour donner leurs opinions et ériger cela en doctrine, en enseignement. Un enfant vient, il voit son père dans les maisons, mais il refuse de l'assister. Même s'il a de quoi l'assister, vous l'avez. Il change ça pour en faire une offrande à l'église. À Dieu. Et les conducteurs religieux profitaient de ça pour lui dire qu'il n'est pas tenu d'honorer son père et sa mère. Matthieu 15, verset 4 et 5. Prenons le verset 3 à 5 pour que vous. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Alors que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, voici un groupe de religieux qui n'ont pas l'amour de Dieu, mais qui s'arrangent à interpréter les agressions à leur profit. Et le Seigneur dit, mais pourquoi vous transgressez le commandement de Dieu? Vous piétinez ce que Dieu a commandé pour privilégier votre coutume, pour privilégier vos propres interprétations. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Donc, Quand il dira, moi je n'ai pas maudit mon père. Et pourtant tu l'as fait. En latin, maledictus veut dire mal parler. Maudire, ça aussi le sens de parler à mal de ton père. Dieu a interdit ça. Zambi a péché c'est Ango. C'est lui qui parle à mal de son père. Il mérite d'être puni de mort. Il s'est dit à Koufa. Il n'a pas droit de vivre sur terre. Azali na posa kubika kuna mabelete. Adana makuki wana te. Tous les enfants disent amen. Bana bana sovalo wa mobile bongo. Je veux les amen des enfants. Ali mobile bongo ya bana. Pas des adultes ici, des enfants. Mikolo tous les enfants disent amen. Bana bana sovalo wa mobile bongo. C'est cela. Ngona. C'est lui qui maudira son père ou sa mère. Oh, akula tatato mama na ye. Sera puni de mort. C'est la loi. C'est le commandement de Dieu. Mais tu es tenu d'honorer. Ton père et ta mère. L'éducation que eux te donnent. Les enseignements que eux te donnent. La ligne de conduite que eux te donnent. C'est ce que tu dois suivre. Pour les honorer. Êtes-vous d'accord? Bondimi. Êtes-vous d'accord? Bondimi. Ça peut paraître dur. Mais les gens du droit. Batonamibeko. Ils ont un adage latin. Bazalina lobelimoko na kote latin. Dura, hein? Dura lex, c'est de lex. La loi est dure, mais c'est la loi. On doit l'appliquer. La loi est dure, mais c'est la loi. Eux là ne prônent pas l'amour. Non, dans leurs enseignements, je ne sais pas si vous, mes amis qui êtes allés faire les droits là-bas. Y a-t-il un cours d'amour à la faculté des droits? Avec un professeur d'amour. Hein? Dans les programmes, même national, où je ne sais pas mixé, où la réforme, il y a on veut sortir les cours de procédure. En matière civile, en matière pénale, les procédures. Les droits publics, les droits économiques, les droits administratifs. C'est tout ce qu'on veut enseigner là-bas. Sauf l'amour. C'est pour ça que chez eux là, on comprend cet adage facilement. Dura lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Mais dans la Bible, il n'en est pas ici. Hein? Dans la Bible, il y a l'amour. Jésus enseigne l'amour. Après que tout le commandement ait été enseigné pendant longtemps, Jésus intervient. Lui, l'auteur de la loi. Pour montrer à ses enfants qu'ils avaient tapé à côté. Ils ont fait de la loi de Dieu ce que était la loi des hommes. Et les plus malicieux, les plus hypocrites, écraser leurs semblables. En se tirant d'affaires par moi. Ils étaient autant coupables que les autres. Mais ils se montraient experts pour maîtriser la loi. Et soulevaient la première pierre contre leurs semblables. On a attrapé Dieu. Mais c'est lui qui fait ça. C'est un voleur en secret. Il ne peut pas l'attraper. Canaille, il profite. Pour abattre le peuple. Dieu a vu tout ça. Il s'est fait homme pour nous enseigner l'amour. Et Jésus demande quel est le premier de tous les commandements. Il a demandé ça à un scribe. Ah, le premier de tous les commandements. Ce que Dieu a dit, écoute Israël. Le Seigneur votre Dieu est l'unique Dieu. Tu Aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu le serviras lui seul. Le Seigneur Jésus lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Tu as répondu avec raison. Le premier commandement, c'est aimer Dieu. Mais c'était codé dans les 10 commandements. Parmi les 10 commandements là, il y a les commandements qui traitent la relation de l'homme avec Dieu. Ce sont les 4 premiers commandements. Quand vous examinez bien, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, ça ne traite que de la relation de l'homme avec Dieu. Si effectivement l'homme aime Dieu, il ne pourra pas violer un de ces 4 premiers commandements. Maintenant, les 6 derniers commandements, ce sont les relations des hommes entre eux. Et qui peuvent se résumer en ceci. Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes. Mais quand tu lis ces 6 commandements-là, tu ne convoiteras pas. Tu ne convoiteras pas d'adultère, tu ne convoiteras pas de meurtre. Mais c'est la relation de l'être humain avec son semblable. Si tu aimes ton semblable, tu ne feras rien de ce que tu dois interdire. Amen. Donc tous les commandements c'est l'amour. Du début à la fin. L'amour le plus fort c'est l'amour de Dieu. Et l'amour secondaire c'est l'amour du prochain. C'est ça toute la loi. C'est ainsi que la Bible a dit, celui qui aime a donc pratiqué toute la loi. Mais ça a été dévoilé dans le Nouveau Testament. Tous ces temps-là, ils se sont brouillés, ils se sont brouillés. Pendant des siècles, parce qu'il y avait un mystère caché dans la parole de Dieu. Quand tu lisais Moïse, un voile était jeté sur lui. Mais ce voile est ôté lorsque vous vous convertissez à Christ. Et le père qui dit ça va, il est le père de la loi. Jésus-Christ, il est là. Ayez l'amour et tout sera facile. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu le serviras lui seul. C'est le premier plus grand commandement. Et le deuxième, qui n'est pas négligeable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça toute la loi. De sorte que le Seigneur, le même Seigneur Jésus, encore résumé en disant, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour nous, faites-le de même pour eux. C'est ça la loi et le prophète. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour nous, soyez le premier à le faire pour eux. Si vous voulez que les gens vous visitent, offrez leur d'abord vos visites. Vous voulez que les gens vous assistent, commencez vous-même par les assistants. C'est ça la loi. Matthieu 7, verset 12. C'est ça la loi et le prophète. Nous aimons la vérité. Maintenant, avançons ici dans les commentaires. Verset 4, Matthieu 15, verset 4. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Quelle interprétation? Imaginez. Dieu, quand il a dit honore ton père et ta mère, il n'a pas fait aucune exception dans ta loi. Vous n'avez pas dit honore ton père et ta mère, exception dans tel cas, ou dans tel cas, ou exception dans telle situation, ou telle. Dieu a simplement dit honore ton père et ta mère. Maintenant des individus. Bato. Ivre de théologie. Bango balango na matiali kinda. Ivre d'histoire sacrée. Bango penza na masolo ya kuri ata. Batangi ya kuna ba makoma pe babuku. Il se permet de dire maintenant dans les. Bango penza na kuri ba na malaki na bango ite. C'est lui qui dit à son père. Alobi na tata na ite. Hein? Que c'est dont j'aurais pu t'assister. N'est pas tenu. Donc il est délogé. Il est exempté de l'obligation. Mais les individus qui n'étaient ni présents, ni acteurs, au moment où Dieu dicte sa loi à Moïse, les individus ne comme des tyrans se fichent, mais qui viennent à la. Il est pas cala cala. Les siècles plus tard. Il se permet d'interpréter la loi sacrée. Il soulève une exception dans la loi. Bango va bénissi le petit de la loi. N'avait pas été. Malheureusement. Comme on dit toujours, tout flatteur vit. Nous l'engolinons sur la vie de celui qui l'écoute. Ils ont trouvé des adeptes dans les rangs du peuple d'Israël. Les gens qui les suivaient. Dans ce genre de flagrance. L'information de la vérité. C'est eux enseignés. Dieu ne l'a fait pas dit. Vous allez voir vous-même maintenant. En que ces gens-là avaient déraillé en doctrine. Parce que Dieu, quand il avait dicté la loi, quand Moïse a écrit la loi, il n'avait pas dit honneur ton père et ta mère, excepté dans les cas. Dieu a dit honneur ton père et ta mère. Hein? S'il y avait quelque chose à ajouter, c'est une promesse. Petite. Oh, ton père et ta mère, heureux. C'est lui. Qui dit à son père, par exemple. Voilà, le Tatanae. Et c'est donc j'aurais dû t'assister avec. Et bon, bah, bah, je fais et comment? Yango et bon, dit, pour c'est une offrande à Dieu. Il n'est pas tenu. Il y a quand même la capacité. Donc il peut continuer à faire ça autant de fois. Avec que il est délié du devoir. Et parce que leur tradition était établie et convenue entre eux. Cette histoire-là est entrée dans les droits positifs d'Israël. Les droits positifs. Les droits positifs en Israël. On tranchait des cas et des problèmes. On a ajouté aussi ces exceptions-là. Écoutez, les droits divins purs ne reprenaient pas ça. Ne reconnaissaient pas ça. Mais un groupe d'individus. Ivres de théologie se sont convenus d'établir des textes comme ça. Et de dire que c'est ça la bonne compréhension. Des textes de loi sacrée. Ils ont rédigé ça dans les documents explicatifs. Et maintenant, quand il y avait des procès, les avocats pouvaient s'en prévaloir. Vous pouvez dire, écoutez, il y a ça. Il est déjà convenu si est là. D'ailleurs, on peut vérifier dans les juristes. Il a traité de l'histoire. Ou la Cour suprême de tel pays là-bas. Il avait cité un cas similaire. Où le juge avait prononcé. Alors, vous aussi maintenant, n'allez pas à l'encontre avec les gens. C'est devenu des textes de droit. Mais le Seigneur, l'auteur de la loi, il blâme cette génération-là. Pourquoi vous transgressez la loi? Pour privilégier votre tradition. Pitoyable. Pitoyable. Et il illustre par l'exemple comme ça. Quelqu'un qui est tenu d'honorer son père et sa mère. Il faut le dire dans 1 Timothée 5. Que si quelqu'un a des enfants croyants, qu'ils les apprennent avant tout à exercer la piété envers les enfants. Et rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Quand tu étais jeune, c'est les parents qui sortaient, qui te donnaient, qui te donnaient. Quand tu deviendras majeur, toi aussi commence à donner. Quand tu commences à donner, faut pas attendre que parents se ridiculisent. Pour venir te demander. Moi-même, avec la bonne éducation, c'est ça que tu as pensé aux parents. L'honorer. Pas attendre que tu te ridiculises pour venir te demander. Moi-même, tu dois programmer, savoir que... C'est pas la manière chrétienne. Pas cause à la chrétienne à Manzaka. Eh, ils sont tous amenés de nouveau. Vous savez la chrétienne. Viens pour ne pas parler. Ils ont débattu de nouveau. Vous savez l'enlèvement. Vous savez la chrétienne. L'autre pour ne pas parler. C'est faux. C'est injuste. Et la Bible dit que les injustes n'hériteront pas. Soyez corrects. Vous allez sembo. On l'a dit, j'ai dit non. Nous devons agir juste. Nous devons penser toujours juste. C'est comme ça que nous serons obligés de bien finir. Soyez juste. Soyez toujours correct. Ne copiez pas les habitudes de vos amis. Exercez-vous la piété. Pratiquez ce cancer de la parole de Dieu. Dans le devoir d'honorer papa et maman, il n'y a pas d'exception. L'exception qui avait été soulevée par l'église dénominationnelle des pharisiens. Le Seigneur l'a déjà effacé. Le Seigneur Jésus l'a déjà effacé. Nous sommes tenus d'honorer père et mère. Amen. Et c'est là où vous bongo. Un frère a même posé une question au frère Branham. Il va toujours prendre soin de mon père, même quand il est devenu trop vieux. Et vous voyez le genre de questions. Avec la civilisation occidentale. Il a instauré les hommes de vieillard. À chaque fois, il y a Mais c'est normal, mais pas je n'ai pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous n'avez pas toujours eu? Réponse. Oui. Branham est un prophète de la Bible. Il ne peut pas enseigner le contraire de la Bible. Il n'a pas soulevé une exception de vieillesse. Quand bien même nous, exception de vieillesse. Oui, c'est pour la montagne. On honore son père et sa mère. Mais il est devenu trop vieux. On a plus de lieu de le faire. On a donné à Frère Branham l'occasion d'affirmer. Et il a refusé de le dire. Et il a confirmé la parole. Dans son entendement original. Oh non, son père et sa mère. Afin que tu sois heureux. Ça c'est dans notre message. Le message n'a même pas des interprétations particulières. Vous aimez cette vérité? Est-ce que vous aimez cet évangile? Ou vous allez dire, après David ne nous prêche pas ça. Il est ton père. Même quand tous les proches et les autres l'appelleraient Dieu, ce n'est pas ton Dieu. Il est ton père. Le titre que la Bible lui donne et qui doit être dans sa bouche, c'est ton père. Vous avez le un délégant, dit Aza. Est-ce que dit Aza? Le col à moto. Aza la chambre. Viens sur Aza, on a dit. Viens. Mets l'attention, vous. Bible. Ton message à frère Brennan. Où est-il langage mondain? Ou bien nous, on a papa dans le donc, un dit quelqu'un, donc, c'est un dépassé là. C'est un type là vraiment aux choses qu'il ne faut jamais suivre et tout. Biso ba jena mikolo yo bilenge biloko moto faux bongote faux et archifaux bongote lokuta ton père reste ton père satana ya tika lobele satana ta mère reste ta mère mama na ka tika libongo bozo benga kaka papa vie bongo mama pourquoi vous venez vie ide bozo banga obenga ye vie hein parce que ba simi mama de ba simi yo papa ta ba singi mino pola ah bon iko sala rien hein mais balo ba kaka mutu ya mama eh ou singi mama la gai toute l'émotion sort. C'est une injustice à la mentalité. Voyez ça? Soyez juste. Ayons des pensées correctes. Et nous serons obligés de bien finir. Quand tu ne peux pas suivre ce petit slogan de vie, tu finiras mal. Zala correct. Zalaka correct. Maintenant, quand le Seigneur a fini de parler, voilà maintenant que les disciples viennent dire, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés? Les paroles qu'ils ont entendues, non seulement ils prenaient le lavage des mains, une religion d'offrande, mais ils prenaient également le lavage des mains, parce que dans leurs enseignements, il y avait des aliments impurs et purs, et avant de manger, il faut se laver les mains, sinon vous êtes impurs. Mais cette tradition, le Seigneur balaye. Il faut laver les mains avant de manger. Savez-vous que ce n'est pas l'évangile de Jésus? Mais cette vieille tradition des pharisiens, même nous parmi nous, nous continuons à respecter vraiment ça. Au moins, voyez juste ce qu'on. Est-ce que Bible dit qu'il faut se laver avant de manger? Moi, je vous lancerai le défi. Yo yela ka ben se plaisir soit fait baye ko linaye ba sokola ka mabongo avant ko lia au contraire baye ko lia yesu pour se distinguer pour ko vi ke tana cette interprétation là est montrer qu'il faut dire non ko la kitate wa walu car l'air nous devait rester non ko te bo tena ba mesa na itika la te manger sans se laver les mains baba ne ko lia ko zanga ko sokola maboko Matthieu 15 Matthieu 25 verset 2 olonga mi balé les pharisiens ont demandé à Jésus: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Pour la nini baye kolinayo, bajali ko sota mateo na mikolo na mboka. Zambi bako sukola maboko te wana ekoliaka bango. Les disciples qui étaient disciples étaient comme ça. Est-ce que toi tu es comparable à eux? Tu as tellement peur des typhoïdes. Il y a peur de la dysenterie. Il parle que devant vous, la médecine a multiplié. Tu n'as même pas foi dans tes propres prières quand tu pries. La Bible enseigne de rendre grâce avant toute chose. Elle nous enseigne de prier avant tout. Pas de laver les mains avant de manger. Et là vous dites, frère David, vous voulez dire quoi? Non, je répète ce qui est écrit. Les disciples de Jésus ne se lavaient pas les mains quand il prenait les repas. Maintenant tu es coincé. Montrez-moi là où Jésus a changé cette habitude. Connaissez-vous l'endroit? Oui, mais c'est ça. Vous êtes libre d'aller chercher. Non pas que Jésus a enseigné à ses disciples, ne vous lavez pas les mains. Mais il est renseigné à observer les commandements de Dieu. Ce que Dieu n'a pas commandé n'est pas une obligation pour nous. Pas si, hein? Je me mets à votre place. Vous souffrez vraiment pour cette idée. Vous allez courir comme un vingi. Oh! Quand il n'a pas de courir, il n'a pas de courir. Caca pour lui. Maman Kobeta l'a été. Oui, maman Kobeta. Parce que il est prêt à sa disciple à ma pharisien. Mais disons-nous la vérité, non? A Kobeta, il n'a pas de salité au bongo. Il n'a pas de salité. Sale fille, sale garçon. Merci. L'ingé, à moi, ça m'a valu la salité. Andime laka, ma pharisien. A Kangande, moko na liteyo na bango. Liteyo na bango. Sukula na bango! Amakulia. Na biso ba papa pe, nakati. Maintenant la vérité est ici. Solo d'ali ava. Qu'allons-nous faire de cette vérité? Toko salani ripo na solo voyo. Ah. Et Dieu nous aide, hein. Maintenant, parce que c'est papa et maman. Oui, d'ali. Voyez là. Tata na maman. Qui nous ont transmis cette tradition de pharisien. Bango basiliko. Nous n'allons pas vous dire de désobéir. Donc vous savez noter que vous en êtes capable. Vous êtes en train de prêcher ce matin, sera oui et non. Ouana sangwala mzali kuti asa tega kuzala iyo pete. Honore ton père et ta mère. Mimiya tata na yopi mama na yo. C'est ce que lui t'enseigne. Ce qui yango est-il kuta lisayo? Sala yango. Tu le fais pour honorer papa et maman. Donc vous sala yango pour la communion à tata na maman. Mais dans le fond. Parce qu'il n'a pas qu'il yango pinda. Pas la parole de Dieu. Il est le vananzam bete. Qui dit amen? N'allez-vous bongo? Cette pratique-là, Dieu ne l'a pas obligé. Zambi a fait ce qu'il a voulu dire. Il est répandu comme éducation ici. Parce qu'il y a un mot pendant le coup là, qu'on est pour les tamara. Bon, quand il sera chez toi, tant que vous n'allez pas y naïo, tu peux faire autrement. Pour ça, la loulingo kulinga, loulingo. Quand tu es en présence de tes parents, tant que vous n'allez pas y naïo, bosser naïo. Encore dans leur maison. Quand ou en visite chez eux. Tu es pas y naïo, tu goûtes à la banque. Mais c'est qu'on t'a appris. Ça là, on va s'y couler qui t'a yo. C'est clair. Vous allez pour les. Parce que l'ennemi mouké, nous y sommes. Mais malgré ça, une question va subsister. Voilà, nous tournons mon peu petit à la bouvelle. Si on n'est toujours pas satisfait. Voilà, tout. Mais simplement, c'est ça. C'est voilà. On ne va pas s'arrêter sur ça. On doit. Absolument. Et c'est un peu. Donc ces gens qui se rassemblaient là, ce n'était pas sur l'ordre de Dieu. Ils allaient quitter la mouboko dans Zambie. Et les enseignements qu'ils donnaient, ce n'était pas la parole de Dieu. Ils allaient dans Zambie. Matthieu 15, toujours ici. Versets 7 à 9. Non, verset 6 à 9. Il dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Verset 6. Et j'allais naïe l'itambote te akoumi sa tata. Le verset suivant. Sautez même d'un verset. Ah, ok. C'est juste celui qui suit. Bako si, Isaïa, alova kim. Non. Le verset précédent, celui-là. Nebino, boko alova kaeti. Yenani, alova. Non. C'est lui qui vient après. Bako oyo, bako to sa kangaï. Oh là là. Traduisez directement. C'est là, votre Bible vous égare. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Vous allez couper du salut dans l'ensemble, la fin de mon message à Bino. Hypocrite. Isaïe a bien prophétisé chez vous. Messiah Siko, quand il a dit, mon peuple m'honore de l'être. Mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore. En enseignant des préceptes qui sont des commandements. Ce qu'ils enseignent aux gens observés, c'est ce que les hommes ont commandé. Non pas ce que Dieu lui-même a fait commander. Amen. Amen. Or l'église d'Éphèse est tombée dans un glissement similaire. Lorsque Dieu dit ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Ce premier amour qui nous faisait garder strictement la parole. Qui faisait que nos consciences étaient tranquilles. Lorsque les hommes nous obligent des choses, que Dieu n'a pas obligé. Nous étions libres de dire catégoriquement non. Mais nous étions heureux. On ne pratique que ce que Dieu a dicté. Mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Ce genre d'amour qu'avaient les apôtres et les membres de l'église primitive au cours de la marche de l'église, cet amour s'était affaibli. Et les gens commençaient à tolérer certaines choses qui n'étaient pas des commandements de Dieu. Qui n'étaient pas de la pure parole. Et Dieu intervient pour les interpeller. Parce que je suis contre toi. Et tu as abandonné ton premier amour. Quand tu as cru ce message, tu as découvert la grande lumière et tu l'as tellement aimé que tu en étais tellement zélé. Tu ne tolérais pas le mal, tu condamnais ouvertement le mal. Et plus tu avances en âge dans la famille, tu deviens trop tolérant. D'abord un peu tolérant, ensuite assez tolérant, ensuite beaucoup tolérant. À un moment donné, tu deviens trop tolérant. Ça s'appelle la rétrogradation. Ça, c'est une marche à reculons. Quand tu veux avancer, ne passe pas en arrière. N'allez pas diriger devant toi. Au lieu de reculer, frère, ressaisis-toi, ma soeur, ressaisis-toi. Au lieu de reculer, avance. Dieu t'appelle à avancer. Ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Reviens à ce premier amour. Fais garder la parole. Tu n'auras dit que si quelqu'un m'aime, il garde la parole. Et mon père l'aimera. Et moi et le père, nous viendrons à lui pour faire notre demeure chez lui. Dans le chapitre 14. Au verset 23 et 24, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Non pas les exceptions fabriquées par les hommes, non pas les commandements venant de Dieu, mais la pure parole du Seigneur. Tu aimes Dieu, c'est la seule chose que tu garderas. Yesu azomiti mwana kufayi na yalo biyote. Soko moto nani akolinangai, akubatela nilobanangai. Et mon père le mela. Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Tata pe tata nangai akolinga yepe. Tokoya epayi na yepe. Tokobondisa efangelo epayi na ye. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Il a la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Y a-t-il quelqu'un qui aime Dieu? Parmi nous. Comment le savoir? Il doit garder la parole. Non pas les paroles mélangées. Bonne partie des paroles du Seigneur, bonne partie des paroles de Dieu. La hybridation là, Dieu ne fait pas. Il s'agit de ne garder que les paroles du Seigneur. Ça mélange. Je veux dire oui que quand Dieu a dit oui. Marquez l'accord à ce que Dieu a affirmé. Rien d'autre.